C'est bien, ils sont tous barrés là, les condomines. Ah ouais. Très bien. Ah, c'est pas ça. Ce que tu as touché, mais André, avant que tu fasses peut-être les deux, la jonction les deux pistes, j'avais eu, j'entendais la voix, enfin j'entendais tout d'ailleurs. Mais t'as muté le master, là. Vas-y. Vas-y, cause un peu là. Moi, je tac, tac, tac. Décalage. En décalage de 30 secondes. Bah, c'est pour ça qu'en fait il faut. Bah, je coupe Skype. Ouais. On va essayer de refaire ça là-bas. Alors. Là, je m'entends. Alors, tu m'entends? Tic-tac-touc. Attends, putain, je coupe la guitare là. T'entends faire des clics, mais je sais pas si c'est avec ah, du voilà, décalage ou pas. Il y a un gros décalage, non? Ouais. Ouais, je sais pas si c'est en direct, là. Je sais pas. Moi non plus. Alors, je dis top. Je sais pas non plus. Top. J'ai dit le top après quand même. Ah, réponds au top, je vais compter le décalage. Alors attends, il faudrait, style qu'on ait un site où on puisse voir l'heure en temps top. Réel quoi. Bah il y a 2 secondes. Ah bon, bon bah, ça top. A l'air d'aller alors. Alors moi, si je regarde sur heure.com, alors, le j'atomique. Il est 23h28min35s. Quarante-quatre, quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf, cinquante, 51. Moi j'ai 53. Il est très précisément 23h29. Oh, oh ta race. Il y a vas-y, dis-moi l'heure un peu. Secondes. Non, moi j'ai 15 secondes d'écart. Bon, tu es sur fait, la batterie là? Je suis en train de te parler à une version de toi au passé. 22, 23, 24, 25, 15 secondes? 26, 27. Ah ouais, ouais, je peux y aller. Ouais, ouais non, moi je reçois effectivement ton signal au moins 7-8 secondes après. Chez moi, il est 29 minutes et 50 secondes. Ah, c'est cool, j'entends la batterie. Oh putain. Y a pas moyen c'est de cool. Qu'est-ce que tu dis? Attention, tu reçois mon assez. Takatou, takatou. Essaie de faire un rythme simple. Doum, doum, takatoum, doum, takatoum, doum. Et moi, j'essaie de faire la même chose à la guitare, voir si on arrive à se caler l'un avec l'autre. Je sais pas. Écoute, ça a l'air d'être à peu près faisable. Hein. Donc toi, tu m'as dit que si je faisais jouer un truc chez moi, il devait y avoir moyen de régler la latence. Ah ouais. C'est une bonne question. Je sais pas. Ouais. Est-ce que si je joue ça, tu entends? Tu m'as dit que tu entendais les sirènes. Hein, Alex? Ambiance de scandale. Ah, mais attends. C'est pas les siens. Avec le méga décalage. Ouais, il y a un petit passage indus techno. Mais c'est qui encore ce con là? Casse-toi, putain. Bah sérieux, la prochaine fois, faudra se prendre un serveur privé, quoi. Va falloir que Bibi s'y colle. C'est gratos au moins. Mais comment ça se fait que tu parles pas? T'es loin du micro? annexe. Parce que j'ai l'impression que tu m'entends avec 20 secondes de décalage. Ah. Là, je viens de parler. Parce que je suis pas sûr hein, que je t'entende avec autant de décalage. Je vais voir le retour d'un Reaper. Alors attends, est-ce que je peux enregistrer? Vas-y, je t'écoute, hein, j'attends ton top.